21-13. Observation. Utilité. Servir. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? À quoi est-ce que ça sert? Oh, ça ne sert à rien. Si, ça peut servir. Ça sert à fabriquer des explosifs. Le verbe servir est utilisé pour parler d'utilité. Ça sert à quelque chose, c'est utile. Ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Comparer. Servir. Je sers, tu sers, elle sert. Nous servons, vous servez, ils servent. Je sors, tu sors, il sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Je pars, tu pars, elle part. Nous partons, vous partez, ils partent. Je sens, tu sens, ça sent. Nous sentons, vous sentez, ils sentent.